Le plan de cette semaine, assemblage requis. On a Random Recipe en entrevue. On se fait un pot-pourri de choses geek dans la chronique CNX. On parle du nouvel album de Stars. Et ça se passe tout de suite à assemblage requis. Moi, j'ai juste une petite suggestion pour les oiseaux. Gardez-vous loin de Stéphanie parce que vous allez attraper son rhume. Puis là, ça va faire comme à la place d'être des pit, ça va faire des... comme Kermit la grenouille. Absolument. Je m'excuse pour tout le monde qui nous écoute parce que ça va être horrible aujourd'hui comme émission avec ma super voix. J'intoxique les ondes radio. Non, c'est pas grave. Moi, je dirais que Pierre Bruno fait ça à tous les jours de l'année. Puis les gens l'écoutent quand même. Fait que ça devrait passer. Alors, les gens vont quand même nous écouter. C'est ça. Même que nos codes vont monter. Peut-être qu'on devrait diviser l'émission en deux, comme genre le début de l'émission et la fin de l'émission, comme ils font avec les nouvelles à TVA, tu sais. Pour monter leur code d'écoute, puis être deux fois dans le top 20 à la place. T'as comme le 17h, t'as le 18h. T'as ouais. En tout cas, bienvenue à Assemblage Requis. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce jeudi 24 juin. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Et aujourd'hui, ben, notre émission est remplie non seulement de muscus. Mais aussi de différentes chroniques. On va avoir la chronique Geeks et Yannix où on va se faire un petit, ce qu'on appelle dans le domaine, un POW. C'est comme le bloc POW dans les Mario. POW! Il sort plein d'affaires, il n'y a pas vraiment de sujets qui les regroupent. C'est random. C'est random recipe, mais c'est tellement un hasard. Et justement, on va avoir Random Recipe en entrevue. À vrai dire, on va avoir Franny de Random Recipe en entrevue. On va aussi avoir les nouveautés CD de la semaine avec Stars, Wolf Parade et Sia. On va avoir une capsule vidéo à la question avec, en fait, du nouveau matériel qui n'a jamais été diffusé à Assemblage Requis. Donc, ça va être plus tard dans l'émission. Du nouveau stock, dont quelque chose par rapport à un sujet qui est très, très, très d'actualité, je vous dirais, la grippe H1N1. Oh! Et, hein? C'est de current events ici, là. C'est frais du jour, là. En tout cas. Mais on va aussi parler de sexe et de cancer, et ça, je pense que c'est pas mal à l'année longue et en c'est tout toujours un sujet du jour. Ouais. Sinon, on va aussi avoir une chronique, c'est un fait, donc avec des faits inutiles et divers. Ouais, moi, je vais avoir mon plat favori. Je vais aussi avoir les spectacles à voir cette semaine. Bien sûr, il y a le festival qui commence. Alors, il y a beaucoup de spectacles intéressants à aller voir. Et on va faire un petit tour dans le palmarès de C'est fou avec les nouvelles entrées de cette semaine. Bon, c'est beaucoup de matériel, beaucoup de choses à faire. Donc, fermons le couvercle de l'introduction de l'émission et allons entendre un petit peu de musique, celle de Hot Hot Heat. Ouais, on va aller écouter Zero Resort de leur dernier album, excellent album, Future Breeds. Ça se passe maintenant à Assemblage Requis sur les ondes de C'est fou 89. Hein? With your cheap snake talk and ticker tape parades. Some cozy acting in these charming little two-act tax charades. And maybe I will, or maybe I won't, but I wanna see results. I hear my name called, and I'm sorry, son, you're showing nearly zero results. You pour your drink too tall. It's hard to hide behind the fortress of it's not my fault. There's been some do's and a care for don'ts, but I wanna see results. Spun web of clumming white lies and no sense of surprise. works. Cause there's a word of a night.

Le drummer est mort il y a 2 mois et depuis le band s'était fait assez discret. Mais là, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un petit remaniement du groupe. Ils ont trouvé un nouveau drummer et ils ont aussi changé de claviériste. Et le groupe va maintenant se nommer You Say Party seulement. Ouais, hein, c'est pas, je trouve pas ça très surprenant qu'ils aient enlevé la partie We Say Die. Hein? Ouais, c'est ça. Ça fait un peu allusion à. T'sais. Ben, même en gardant You Say Party, t'sais, c'est comme ton cerveau. Suite, You Say Die. C'est ça. Tant qu'à ça, j'aurais peut-être changé complètement le nom. Ouais, moi, je serais parti dans un autre groupe, je pense. J'aurais changé tout, là. Pendant que là, ils ont juste changé de claviériste. Tout ce que tu vas voir dans la vie va te rappeler la mort de ton batteur. T'sais. C'est sûr. Ouais. Surtout que c'est arrivé comme quasiment sur scène. C'est ça. Tu sais. Ouais. Alors voilà. Et voilà. Sur une note plus heureuse, joyeuse. Ouais, mais de parler de comment tu regardes la chose, là, parce que ça peut être aussi super plate comme sujet. C'est l'heure de parler non. de... Non? Ben non. Non? Sûr? Et un peu foi en toi. Merci, c'est plus toi qui n'as pas la foi très très... quand tu me dors en face quand je fais la chronique. Mais bon, c'est l'heure de parler de moments de choses. C'est le moment de parler de choses, oui, dans l'ordre, à peu près. Ouais, à peu près? Okay. C'est correct. De choses véridiques, véritables et vérifiables, à peu près. Voici la chronique, c'est un fait. Ça, c'est moi en train de cogner sur le clou de votre tête. Avec des faits. Donc, commençons avec un fait très divers. Hein. Regarde ton clavier et le pense en anglais. Je sais que tu es une, comment t'appelles ça, un cube? Cubique? Ouais. Une tête carrée. Ouais. C'est ça. Donc, pense en anglais. La lettre R est sur le côté droit de ton clavier. Et être L est du côté gauche. Left, right. L à gauche, R à droite. Hein? T'as pas pensé à ça? Hein? Non. C'est ça. Prochain fait, l'Europe est le seul continent qui n'a pas la lettre A dans son nom. En anglais, encore une fois, hey, hein? Ben, ça, c'est un peu vérifiable, oui. C'est clair. J'ai besoin de preuves. le nom au complet de Tom Cruise n'est pas Tom Cruise. Bon, jusque-là, tu vas me dire, toutes les vedettes ont choisi un autre nom. Ouais. Bon. Son vrai nom, c'est Thomas Cruise Mapother, le quatrième du nom. Oh! Mapother 4. 4. C'est pire que l'iPhone 4. Je trouve ça tellement drôle, ceux qui ont des numéros dans leur nom. J'avoue. Le quatrième. Hey, on n'est pas dans la Renaissance, là, come on. Ni dans une équipe de football. Non plus. Le monde ne prend pas 24 heures pour tourner sur son axe. Ça prend 23 heures, 56 minutes, 4 secondes, d'où les années bissextiles. Hein? Hein? Hein? La compagnie Procter & Gamble, leurs avocats ont argumenté, ont dit que Pringles n'était pas une patate chip parce que, en fait, c'est composé que de 40% de patates. Et tout ça, ils ont dit ça pour ne pas avoir à payer de taxes. D'accord? Donc, la plupart des aliments en Grande-Bretagne, en Angleterre, etc., sont exemptés ou n'ont pas à payer la value added tax. Mais les patates chips, ou ce qu'ils appellent là-bas les crisps, ou les produits qui sont faits à partir de pommes de terre ou de farine de pommes de terre, n'ont pas cette exemption-là. Donc, en espérant de sauver des millions aux impôts, Procter & Gamble ont dit que Pringles n'était pas des patates chips vu que pas mal le produit au complet n'est pas fait à partir de patates. Bon, donc le cas a été en appel jusqu'à la Supreme Court of Judicature là-bas. Et le Lord Justice Jacob a rejeté ce que Procter & Gamble disait et ont donc déclaré que les Pringles devaient être taxé et qui devait payer des impôts ou des trucs comme ça. Ce qui est ironique, par contre, là-dedans, selon omgtradingnewfacts.com, c'est que dans les années 70, le gouvernement américain a empêché Procter & Gamble d'appeler les Pringles des croustilles ou des patates chips. Hein? La US Food and Drug Administration a dit que les Pringles devaient contenir une étiquette décrivant le produit comme étant des potato chips made from dried potatoes, donc des croustilles faites à partir de patates sèches ou séchées. Il n'y a pas le droit de se dire des patates chips tout court. Ça. À cause qu'il y avait juste 45. Je sais pas pourquoi exactement, mais c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a si c'est pas des patates? Ah, ben, ça va falloir les ingrédients que tu comptes, mais c'est 60% de d'autres choses que des pierres. C'est bizarre. I know that. Mais ça empêche pas que c'est délicieux. Absolument. Je sais pas s'ils annoncent, ça c'est fou. Peut-être qu'ils devraient rester. Hein? Hein? On parle d'eux autres en bien. Envoyez les caisses! Aucune équipe... On va parler de soccer un peu, même si moi, ça m'emmerde dedans. Mais parlons de soccer. Donc, aucune équipe européenne a gagné la Coupe du Monde à l'extérieur de l'Europe. Aucune équipe de l'Europe a gagné une Coupe du Monde à l'extérieur de l'Europe. Aussi, seulement des pays de soit l'Europe ou de l'Amérique du Sud ont gagné la Coupe du Monde jusqu'à maintenant de soccer. Eh bien. L'Inde s'est qualifiée pour la Coupe du Monde en 1950, mais ils ont refusé d'y aller. Pourquoi, me demandes-tu? Pourquoi, je te demande? Ben, c'est une bonne question, Stéphanie. Ils ne comprenaient pas ce qu'était la Coupe du Monde, donc ils ont décidé de ne pas y aller. Ils comprenaient pas c'était quoi. La raison officielle donnée par la All India Football Federation était qu'il y avait pas assez de temps de pratique et ils avaient des désaccords par rapport à la sélection des équipes. OK? Je sais pas. Le capitaine de l'équipe de football de l'Inde, Sailin Manna, a dit, et je cite, « Nous ne savions pas ce qu'était la Coupe du Monde à ce moment-là. Si on avait été mieux informés, on aurait pris l'initiative nous-mêmes. Pour nous, les Olympiques étaient tout ce qui importait. Il y avait rien de plus grand que les Olympiques. » Voilà. En fait, l'équipe indienne a déjà compétitionné aux Olympiques en 1948. Par contre, ça rajoute à la fin de l'article que il y avait une rumeur qui courait qui disait que qu'ils n'avaient pas joué parce que la FIFA, qu'ils n'avaient pas joué dans la Coupe du Monde parce que la FIFA les empêchait de jouer nu-pied. C'est une rumeur, c'est pas vrai. Ils ont compétitionné en 1952 aux Olympiques et ils étaient nu-pied. Voilà. Pour de vrai? Ils ont joué nu-pied. C'est bizarre. Ben, si ça a fait plaisir. Hein? Ça doit être beaucoup moins confortable que des suites à crampons. Ouais. Ben, je sais pas. Moi, je suis jamais confortable dans mes souliers. Fait... En même temps, frapper un ballon avec ça. Ouais. Ça doit faire mal aux orteils. Ouais. Le camion Pizza Planet dans les films Histoire de jouets, vous savez que le troisième sort ou est sorti et où sortira éventuellement, ou on s'en fout, a apparu dans presque chaque film de Pixar et Disney. Ça a été confirmé que le camion n'apparaît pas dans The Incredibles, mais par contre, on le voit dans les films Toy Story, A Bug's Life, Monsters, Inc., Finding Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E et hop. Le camion de Pizza Planet. Regardez les DVD. Ou allez sur YouTube, il y a sûrement les clips. Sûrement. J'ai pas de temps à perdre pour écouter tous les films. Ça... Ouais. Il faut que je dorme avec ma grippe. Oui, prends soin de toi. Là. Mange des jujubes. C'est vraiment ça qu'il faut. Puis bois du Pepsi Diet. Hein. C'est vraiment, ça va régler ta... Parfait. T'sais. C'est drôle que tu me dises ça, monsieur. C'est justement ce que je faisais. Ben tiens, ça donne bien. Q est la seule lettre qui n'apparaît jamais dans aucun nom d'État américain. Pense-y un peu. Il n'y a pas de Q dans aucun État américain. Le drapeau américain est à l'envers sur les uniformes de l'armée américaine. Tu savais ça? Hein? Ça fait tellement longtemps que je me demande pourquoi et est-ce que tu vas répondre à ma question? Ben, on dirait bien. Oh mon Dieu, fait tellement longtemps que je me demande ça pour de vrai. C'est pour ça que ces chroniques existent, pour répondre à vos questions, en fait. Ah! Tout. Je pense que c'est la première fois depuis... Charles, donc, la raison... et là, je vais lire ça avec attention, hein, à la place de botcher comme d'habitude, vu que là, tu m'as demandé. donc, le bleu. Le bleu sur le drapeau, la partie où il y a les étoiles, fait face vers la droite au lieu de la gauche. C'est pour symboliser le fait de transporter un drapeau et de l'amener en combat. Okay. Donc, j'essaie de lire et de comprendre comme quoi. Le bleu avec les étoiles est la partie du drapeau qui est la plus proche du poteau. Okay. Donc, si tu marchais avec le drapeau dans les mains, avec la pole dans ta main, le bleu serait toujours à l'avant. Ouais, c'est vrai. Fait que quand tu le regarderais passer, tu verrais le bleu à droite. Proche de ta face. Et c'est pour ça que le bleu, dans le fond, vu qu'il est à l'envers, le bleu se ramasse proche de ta face sur ton uniforme. Ouais, c'est ça. Bon. Wow, c'est compliqué quand même. Donc, si le soldat portait son patch sur le côté droit, sur son épaule droite, pour avoir le bleu vers l'avant, le drapeau devrait être à l'envers. Donc, c'est pour ça qu'il est à l'envers quand il est sur la manche droite. C'est vraiment spécial. Je me suis toujours demandé ça dans tous les films de militaires, etc. C'est tout le temps comme ça. J'avais jamais remarqué ça pendant tout, moi. J'avais pas vu ça du tout. Mais je regarde jamais de films d'armée, donc c'est normal. Ouais. Le personnage R2-D2 dans Star Wars a été nommé après un ruban de cassette d'enregistrement. C'est un ruban, un tape, un reel of tape. Donc, le nom R2-D2 a été mentionné pour la première fois par l'éditeur sonore Walter Murch, qui faisait le montage sonore du film de George Lucas, évidemment, American Graffiti. Et je cite, « Un jour, je mixais les termes techniques, le prémix de dialogue, le deuxième prémix de dialogue pour la deuxième bande de American Graffiti. » dans le fond, ils disent tout le temps, ils disent quelque chose au début d'un... C'est un voice slate qui appelle, c'est comme un petit peu le genre de clapet. Ça disait « R2-D2 ». Et George, qui était assis devant lui en train de travailler sur le script pour Star Wars, s'est levé à un moment donné et a dit « Ben, qu'est-ce que tu viens de dire? » L'autre a dit « Je sais-tu? R2-D2, est-ce que c'est de ça que tu parles? R2-D2? » Ben oui, mais l'autre il a dit « Ben oui, mais R2-D2, c'est un super bon nom! » Tu sais, puis il est retourné, il a écrit son script, puis il a marqué ça dans son script. R2-D2. Ben, génial. Malade, hein? C'est Martin Luther King Jr. qui a convaincu Nichelle Nichols, qui était lieutenant Uhura, dans la série originale Star Trek, The Original Series. Tu connais le film qui était basé sur les personnages. Il y a le lieutenant Uhura. Donc, après la première saison, Nichols pensait quitter Star Trek, mais elle a changé d'idée après avoir rencontré Martin Luther King, qui lui a dit qu'elle était un role model, une personne que les gens admirent, c'est bien dit ça, pour les jeunes femmes noires aux États-Unis. Voilà, donc c'est lui qui l'a convaincu de rester dans la série. J'aime ça, c'est une bonne idée, très bon. Paul Hahn a le record du monde pour le plus grand, le plus fort, si on veut, rot du monde à 107,1 décibels. C'est plus fort qu'une motocyclette et presque aussi fort qu'une chainsaw, toi. 107,1 décibels. Ça vient du site web de Guinness World Records. Il y a une vidéo sur l'article qui est sur assemblagerequis.com où il rote à 108 décibels. Mais tu sais, vu qu'il n'y a pas personne pour le surveiller avec un appareil qui compte les décibels, ben, ça n'a pas compté. Arc. C'est dégueulasse, hein? Vraiment beaucoup. Les filles, comptez-vous chanceuses d'avoir un chum qui rote pas aussi fort que ça, à moins qu'il rote aussi fort que ça, mais dans ce cas-là... Il va peut-être faire de l'argent. C'est ça. Font-ils de l'argent quand ils gagnent un record Guinness, sûrement? Je sais pas. Y a-t-il un système de récompense? Qu'une idée. En tout cas, on était rendu. Il en reste quelques-uns de faits. On va faire ça très, très vite, les derniers. Après avoir vu la toile Impression Sunrise de Monet, c'est Monet l'artiste, en 1874, un critique a dit, et je cite, de la tapisserie à son état embryonnique serait plus finie que cette œuvre. Imagine, c'est un Monet. Mais à ce moment-là, c'était pas Monet, c'était juste Monet. Hein? C'est tout le temps après leur mort qu'ils deviennent populaires. Et voilà. La fille de Al Gore, Karenina, avait un nom dans les services secrets aux États-Unis. Et son surnom, le code name, était Schtroumpfette, Schmurfette. Comme le film là, qui va sortir, là, qui a l'air à chouin. Ensuite, après s'être divorcé, David Hasselhoff a réussi à garder la possession. C'est un petit peu redondant. À garder le droit d'utiliser le nom Hoff, le surnom Hoff. Tout le monde l'appelle Hoff. Et sa phrase, sa catchphrase, Don't Hassle the Hoff. Il a eu ça dans son divorce. Comme chanceux. Tu connais Kenny G? Oui. Son G, tu te demandes à quoi ça sert? Je me suis jamais en demandé, mais. Garlic. Pas garlic comme de l'ail, Garlic. Eh ben. Il a bien fait de s'appeler juste Kenny G. Et voilà, c'est ce que je me dis aussi. Sinon, ben, je vais vous en laisser quelques-uns sur le site web. Bon, on va finir avec celui-là. Un projet de science d'un enfant de 12 ans a montré que la glace dans les fast-foods était plus sale que l'eau d'une toilette. Oh. Ouais. Jasmine Roberts, qui avait 12 ans, a testé l'eau dans une machine à glace dans 5 restaurants fast-food du sud de la Floride. Elle a comparé avec l'eau dans les toilettes de ces mêmes restaurants-là. 70% du temps, l'eau glacée était plus sale que l'eau de la toilette. Une partie de l'eau glacée a été testée. Et puis, il y avait, en fin du compte, de l'E. coli. La bactérie. Ouais. Je sais pas comment ça se dit en français. Bref, comment ça se fait que c'est possible, demande-t-on dans l'article? C'est que l'eau de la toilette vient de l'eau de la ville qui est épurée et tout ça, alors que la glace vient peut-être de machines à glace qui n'ont pas été nettoyées depuis très très longtemps. Et les employés du restaurant enlèvent peut-être les morceaux de glace restants avec leurs mains qui n'ont pas été lavées. Génial, hein? Il faut en savoir ça. Hein? Moi, en tout cas, si je n'avais pas su ça, j'aurais été beaucoup plus heureux. En fait. Yark. Ouais. Et c'était la chronique, c'est un fait. Ça finit bien, hein? Absolument, avec de l'eau de toilette. Ça peut pas mieux finir. Bon appétit, surtout qu'il est comme quelques heures avant ou près, pendant ou dépendant de. On est proche de l'heure du souper, bien dit. Hein? Bien dit. Sur ce, on va aller écouter Malajube. Oui, avec Colombin. Oui, de leur dernier album Labyrinthe. Alors, Assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées avec Stéphanie et Mathieu. T'es capable, je sais que t'es capable. Pense pas que t'es pas capable. Dis-toi, je suis capable, tu sais. Yes, we can. Yes, we can. Ben, qu'en, toi? Ben, qu'en. J'ai quelques suggestions de sortie pour toi, Mathieu. Ah, ben, Caroline, je vais écouter ça. Et pour tous nos requins. Ah, c'est vrai, les requins. Ah! À chaque fois que je dis le mot requin, tu deviens comme un enfant de 5 ans. C'est tellement drôle. C'est tellement le fun. Je le dis pas assez. Si t'étais pas là, on le dirait jamais. T'sais. Alors, demain, il y a plusieurs spectacles que vous pouvez aller voir. Il y a les Cowboys Fringants qui vont être au Festivois avec plusieurs artistes de la relève en Mauricie. Je vais essayer de vous trouver d'autres titres que Atomic Baobab, que je sais déjà qu'ils vont être là. Et qu'on a eu en entrevue la semaine passée. Mm-hmm. Oui, absolument. Il va y avoir Fabiola Toupin, Amélie Gagnon, Dan Lemay et Ingrid Saint-Pierre. Wow. Dans le fond, c'est tout un concept de Fabiola Toupin pour la relève de la Mauricie. Il va aussi avoir Random Recipe, à qui on a parlé au début de l'émission, qui vont être à l'embuscade. Du côté du Festival international de jazz, c'est dur à dire avec le nez bouché, ça. Ouais. Un peu comme Malajube tantôt. Ouais, Malajube. Je connais pas. Il y a Plants and Animals qui vont être au Metropolis et il y a Think About Life qui vont être au Club Soda. Tout ça, c'est demain. Le 27, il y a Cœur le Pirate et il y a We Are Wolves qui vont être au Festivois. Du 27 au 30 juin, du côté de Montréal, il y a Joseph Arthur qui va être à un endroit que j'ai jamais entendu parler, au Patrovis. Ah, ouais, le nom me dit quoi, mais... Moi, j'avais jamais entendu parler. Le 29 juin, il va y avoir Beast qui va être au Festival international de jazz. Et le 30 juin, il y a Atomic Baobab qui va être sur la scène de la relève pour le Festivois. Parfait. En passant... Demain étant vendredi. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent le samedi. Des fois que. Ils sortent, ils se préparent, ils se coiffent, puis tout là, ils arrivent, puis ils se passent. Hey! Non, demain étant vendredi soir. C'est ça. On est jeudi aujourd'hui. Oui. Mais pas si vous écoutez la fête de semaine, parce que les gens sont mêlés. Il y en a qui travaillent pas, il y en a qui sont comme sur le chômage, l'été, tu sais. Hein? Ils se disent, ouais, on est jeudi. Non. Alors, on va aller écouter une pièce de Beast qui va être au Festival international de jazz. On va aller écouter Fingerprints. Rare! Oh, c'est fou. 89.1. Oui. Radio qui déchire ou arrache ou démembre. C'est un peu violent. Ça. Démembre. C'est un peu ouais, violent. Ça fit avec les requins. Ah, ben, OK. Wow. Les requins. Ah. Vous êtes pas fin. Rolling around on the block. dans l'ambiance de cette pièce. C'est vraiment bon, hein? Ouais. Ils sont super bons aussi en spectacle. Je les ai vus à Chicago l'année passée. Là. Génial. Très, très bon. C'était Beast. Oui, avec la pièce Fingerprints. Nous, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. On se retrouve juste après les messages published avec une deuxième heure. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la deuxième heure, entre autres? Ton plan favori, bien sûr. Ouh. On va aussi avoir les sorties d'albums. Ouais, et une capsule avec du matériel pour la première fois à Assemblage Requis de la part de Vidéo Radon, la question. Alors, restez avec nous, c'est à Assemblage Requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Stéphanie regarde dans ses souliers. Et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie. Oui. Qu'est-ce que tu fais à regarder dans tes souliers, là? Je pensais qu'il y avait un trou. OK. Ben, c'est... Y en a-tu un? Non. Ben, parfait. Dans la deuxième heure d'Assemblage Requis, on va avoir un paquet de choses. Il y a une nouvelle chronique de Venons à la question. On va voir ton plat favori avec Stéphanie. Oui. Ouais. On va aussi avoir, qu'est-ce qu'on a? Le bloc palmarès, c'est fou. Absolument. C'est beaucoup de choses en une seule heure, ça. Oui, et on va commencer avec... on parle souvent, moi et Mathieu, du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes féminines qu'on fait jouer assez fou. Alors là, j'ai décidé d'amener quelque chose de vraiment fille. OK. Il y a deux gosses à la pochette en dedans. Ouais, dire. Mais regarde au milieu. C'est évidemment là que je regarde en premier. Alors, on va aller écouter The Noisettes avec Don't Upset the Rhythm. D'accord. Assemblage. Ça m'intrigue, là. C'est très féminin. C'est pop aussi, hein? Ouais. Sleeping in the sky, free your mind. You never know what you might find. What's your vice? You know we won't compromise. So let me show you something super beautiful. Let's rock the boat. The magic is unstoppable. Fall on the floor. It's the rhythm you've been waiting for. Pure delight. Kick, snare, hat, ride. It's all up. Too my action. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées avec Mathieu et Stéphanie. On vient d'entendre The Noisettes avec Don't Upset the Rhythm. Et on est rendu au morceau de l'émission qu'on écoute. Des morceaux, des pièces. C'est ouais. Palmarès. Ouais, ouais, des morceaux avec des pièces. Ça a bien de ouais. Sens. C'est palmarès, c'est fou. Et oui, dans le bloc des palmarès, c'est fou, ce qu'on fait dans l'assemblage requis, c'est vous présenter les nouvelles entrées ou certaines des nouvelles entrées qui sont maintenant dans le palmarès de C'est fou et qui vont se développer et grandir comme des petits lapins qui se reproduiraient. Donc, on a 6 nouvelles entrées cette semaine, beaucoup trop pour un petit bloc comme celui-là, donc on va en jouer que quelques-unes, mais je vais quand même faire le tour avec vous de ces nouvelles entrées-là. Hein? En 20e place francophone, on trouve les Bébés Requins avec Discothèque, alors qu'en anglophone, c'est Tokyo Police Club. En 19e franco, c'est Gaël avec Donnant Donnant, et en anglo, c'est Tegan and Sarah avec The Cure. En 18e franco, c'est Le Husky avec Chambre Noire, et en anglo, Iron Maiden avec El Dorado. On va entendre tout à l'heure un peu le Gaël et Tegan and Sarah, mais pour l'instant, Le Husky, en 18e place, voici Chambre Noire, Assemblage Requis, c'est dans le bloc des palmarès, c'est fou. Il va falloir quitter cette chambre. plus jamais les mains. Sarah avec la pièce The Cure de leur album Sainthood à l'Assemblage Rocky. Avant ça, c'était le ski avec, avec Chambre Noire. Noir, oui, de l'album La Fuite. Ces pièces-là sont en position 18 et 19 du palmarès francophone de C'est Fou. Je vous avais promis un petit peu de Gaël. Heureusement, on l'a pas, finalement. C'est place, ça arrive. Puis, tu sais, on n'est pas le genre de radio qui fait jouer des extraits de pièces. Là. Vraiment jamais, je dirais. Mais quand même, vu que je vous avais dit qu'on ferait jouer un petit peu de Gaël, on va écouter l'extrait pareil. Donne ce prend. Même si donner sans compter, c'est donner sans retour. Argent, temps et amour. Tout ce qui se donne se prend. Donne, donne, mais pour donner, faut prendre. Est-ce qu'au donneur, on pardonne si le désir se le fait rendre? On donne, donne, mais pour donner, faut prendre. Est-ce qu'au donneur, on pardonne si le désir se le fait rendre? Gaël avec l'extrait Donnant, donnant. Oui, c'est plate de faire jouer juste un extrait. On fait rarement, sinon jamais ça, mais on aura l'occasion de l'entendre une autre fois, sûrement ici à Assemblage Rocky. C'était le bloc des palmarès C'est Fou dans Assemblage Rocky sur C'est Fou 89.fr. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller écouter. Alors, en fait, on va pas l'écouter, on va l'accueillir parce qu'elle est juste là devant moi depuis le début de l'émission, puis elle va être là jusqu'à la fin, mais quand même, on le souligne pendant sa chronique Ton plat favori. Tout

love, you got the love, you got the love, you got the love, you got the love, you got the love, you got the love, you got the love. Vraiment, vraiment très différent de la pièce originale de Florence and the Machine, You've Got the Love. Ça sonne vraiment comme VXX. Vraiment. Ouais. Ils en ont vraiment fait la leur. Je dirais que c'est deux fois bon. Bon deux fois, tu sais. Oui. Absolument. Ah, quel humour, c'est bonjour hier. Alors voilà, c'est tout pour mon plat favori. Oui, c'est tout pour ton plat favori, mais t'oublies pas que moi aussi j'ai un plat favori à me manger, oui. Ça. Hein? Dans un plat, il y a un autre plat, c'est comme une poupée russe. Hein? Sans, c'est qui que je vois dans la poupée russe? J'en ai aucune idée. Sur la fortune. J'écoute pas ça. Ah, en tout cas, le mien, mon plat favori à moi, en fait, c'est... Reculons quelques mois en arrière. En fait, j'en ai jamais parlé à la radio. Sûrement que vous avez fini par le trouver par vous-même, peut-être 3 mois plus tard, quelque chose du genre, par votre mère ou je sais pas, mon père. Il y avait un gars qui avait chanté, en fait, je vais vous le dire, c'était qui? Captain Valor, sur YouTube, qui avait chanté la pièce de Miley Cyrus, Party in the USA, mais en fait, il l'a pas chanté, il la faisait en langue des signes, là, les signes. Ouais. Bon, c'était ce gars-là est génial, tellement drôle, tellement fin, tellement tout. Là, allez voir ses vidéos, c'est Captain Valor, V-A-L-O-R, sur YouTube. Il en fait plusieurs chansons. Surtout de Miley Cyrus en langage des signes. C'est génial, c'est génial. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. OK. C'est dans le même genre parce que c'est la même chanson, Party in the USA. Et on dirait que ce gars-là un petit peu capitalise peut-être sur le fait que le gars en langage des signes est vraiment drôle et populaire sur Internet. C'est Mike Tompkins qui refait Party in the USA, mais en a cappella avec sa voix, sa bouche pour les bruits. Et en tout cas, vous allez entendre. Je vous laisse entendre ça. C'est vraiment cool. C'est cute, je dirais. Je sais que t'aimes pas cute parce que ça a l'air de petit lapin. Puis je dis pas que le gars il est cute, je dis que ce qu'il fait c'est cute. Ok. On écoute ça. I hopped off the plane at LAX with my dream and my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to the right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And a Jeezy song was on. And a Jeezy song was on. Moi je trouve ça cute, je trouve que le clip est le fun. Le gars est assez sympathique. Mais je préfère quand même le gars qui a fait avec le langage des signes. C'est un petit peu trop pas pour la laisser jouer au complet. Je sais que j'ai dit qu'on faisait pas jouer de clips de chansons, qu'on faisait jouer au complet. C'est quand même Miley Cyrus pour mettre la ligne quelque part dans le sable, hein, ça? Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. C'est le fun. C'est cool. Mais vraiment, allez voir l'autre. Puis l'autre, je peux pas vous le passer à la radio. C'est pour ça que, tu sais, c'est pas ça mon coup de cœur. Ouais. C'est aussi que c'est vieux, là. À un moment donné, quelques mois. Juste moi qui fais ça, faire jouer des choses qui sont vraiment vieilles pis tripées. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, quand tout le monde l'a vu, je sais pas moi qui l'a vu parce que j'écoute pas Salut Bonjour. Je sais pas qu'est-ce qui a été vu par les gens ou qu'est-ce qui a pas été vu. Ah, regarde. C'est ça, c'est mon coup de cœur. Cool! Cool! La semaine prochaine, une autre chronique, ton plaît favori. Absolument. Et Matt and Kim, un groupe qu'on aime bien. Changement d'à propos complètement ici. Oui. Ouais, on aime ça. On fait ça de même, ça. Ils ont annoncé un spectacle à Montréal. Ah! Joie dans mon cœur. Tu vas y aller? Peut-être. C'est quand même loin, fait que je peux pas voir aussi loin que ça. C'est le 30 octobre et ça va être au National. Mm-hmm. Quand même loin, mais j'espère que je vais y être. C'est très bon. Bon, donc on va aller les écouter avec la pièce Yeah Yes. Oui. Bon. Yeah Yeah. Yeah Yeah. Au bout singulier. Yeah Yeah. Ambitionnons pas sur les yeah yeah, là. Yeah yeah. Yeah yeah. C'est pas celle-là. Non. Ça, c'est Miley Cyrus. Hein. Yeah. C'est à Yeah, assemblage requis. Six a yak at the coke, cause the gun and powder, make the nine piece luggage set. She jet set.

set. Yeah. C'est pour le look, des essais 22. Quand ça gagne sur une trip partout, si tu veux. You never know, d'un show, quand si veux changer ta chemise. À cause ta vieille t-shirt, ça comme l'alcoolise. Grosse surprise, quand ça porte ta valise. Puis là, ça fit, puis dans ta car, à cause ta paye trop cher. À cause c'est custom fit, t'as mis tes custom slick. C'est ma 9-piece luggage set. Custom fit. Parasol travels check Pontier, c'est check Pontier, c'est check Pontier. Parasol travels check Pontier, c'est tout ce que ça prend pour se promener. Custom officer loppy trippy, one more 9-piece luggage, more 9-piece luggage. Custom officer loppy trippy, one more 9-piece luggage set custom fit. Invalise de valise, c'est pas safe for my nine piece luggage set. Une nouvelle entrée du palmarès francophone de C'est fou, c'est Nine Piece Luggage Set de Radio Radio. Tiré de leur dernier album, Belmundo Regal. Manon. Un album que je trouvais tellement mauvais quand il est sorti. Moi aussi. J'ai tellement pas été gentille quand l'album est sorti et finalement je le trouve tellement bon. Ça devient accrocheur à la longue, mais j'avoue que j'écouterais peut-être pas l'album au complet. Tu sais. Ah, mais pourtant il est bon. Oui. D'un coup sec. Ok, c'est pas d'un coup sec. C'est ça. Mais c'est vraiment bon. C'est-tu ce que j'écouterais d'un coup sec, moi? Quoi donc? Une émission complète de Vidon à la question, mais là, à la place, on va y aller avec juste une partie à la fois pour que vous ayez de la place pour digérer, prendre un petit dessert, une collation plus tard, puis revenir pour une deuxième portion la semaine prochaine, genre. Ouais. Là, pour faire changement des semaines passées, je vais vous expliquer avant la chronique de que ça parle, parce que c'est un petit peu compliqué. En fait, je vous raconte, je te raconte à toi aussi, Stéphanie. Ah oui? Oui. La semaine passée et l'autre avant, on avait présenté des extraits d'une émission spéciale de Ma Tante Frac. Ma Tante Frac qui avait son émission ici assez fou, et là, il avait fait un best-of de ses compétitions, des compétitions de musique là, sur un stage à Montréal. Bref, il avait fait un best-of de ces affaires-là. Et dedans, il avait invité un des gars de Vidéo en question pour passer du vieux matériel. Okay? Ça, c'était dans l'émission de Ma Tante Frac la semaine passée. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de cette émission-là, quand il l'a enregistré avec le gars de Vidéo en question, ils ont dépassé leur temps. OK? Et là, les deux gars étaient vraiment stressés. Donc, elle était comme, ah, mais non, on réussira pas à rentrer dans nos temps. Il faut qu'on fasse une deuxième émission. Je capote, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on va entendre aujourd'hui, c'est une émission spéciale. En fait, un début d'émission spéciale parce que le best-of continuait après ça. Mais bref, au début de l'émission, qui durait une heure, il continuait. Puis là, il était pressé. Puis il arrêtait pas de faire référence au fait qu'il était pressé. C'est pour ça que je vous en parle. Sinon, ça n'a absolument aucune importance. Okay? Donc, on écoute ça. Les gars sont pressés. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce matériel-là. Voici Vidon Ladon, la question. Vous savez, la semaine passée, c'était un spécial Vidon Ladon la question. Puis là, Luc Archambault était venu à mes studios, hein? Puis là, on était bien stressés, là, les deux, parce que on avait tellement de matériel. Hey, On était malade. Ouais, non, mais mon ça, c'est... papa, hier, il était malade. Oui, c'est vrai, hier, j'étais malade, là. Une gastro, je sais pas trop. Non, mais là, je parle de la semaine passée, Léo, là. Coupe-moi pas, là, tu me mélanges dans mes idées. Puis tu sais, papa ou maman, tu sais-tu? Ma tante Trac, c'est-tu ton papa ou ta maman? C'est ta maman. Ah, ça a l'air, c'est ma maman à moi. Quand on est bien mélangés dans nos personnages. Là, c'est ça, la semaine passée, Luc Archambault. Oui. Luc Archambault, il était bien, bien stressé, là. Puis moi aussi, parce qu'on avait trop de matériel pour une heure seulement. Fait que là, on va vous mettre le restant qui manquait. C'est quoi le restant qui manquait? Avais-tu le sketch sur la H1N1? Je pense que oui. Est-ce qu'il y avait aussi le sketch sur le cancer colorectal? Oui, je pense que oui aussi. Il y en a un troisième que je me souviens plus c'est quoi, mais qu'on va écouter tout de suite après. Alors, on s'en va au spécial Vidon la dans la question qu'on n'a pas pu terminer la semaine passée parce qu'il y avait trop de matériel. Alors, à tantôt! Là, vous allez voir, on a de l'air bien stressé, moi puis Luc, mais ça fait comme trois fois, je le dis. On avait-tu de l'air bien stressé, moi puis Luc Archambault? Oui. Ah oui, hein? On avait de la veille. Puis moi, j'avais stressé. Toi aussi, t'étais stressé, Léo? Oui. OK, bye! Ouais, mais là, okay, on retourne au spécial Vidon Ladon la question, parce que là, wow, là, il est déjà... Moi, dans mon montage, il était 56, je vais essayer de couper ça pour en mettre le plus que je peux de Vidon Ladon la question. Alors, on va se grouiller. On va vous présenter un sketch qui parle de la grippe. H1N1. Ouais, mais là, tu dois dire de pour qui tu voulais présenter cette. C'est un démo pour un éventuel employeur. Ah, t'as pas le droit de le dire. Ben, je le nommerai pas, là. En tout cas, on s'en fout. Parce que c'est ouvert, tu sais. On est recherche, à la recherche d'employeurs à la radio. Absolument. Vidon-la-don la question. Vidon-la-don la question, c'est pas rien, là. Deux fois nominé au Gala des Oliviers. Trois fois nominé au Gala des Oliviers, laisse-moi te corriger. Ouais. Oui, et gagnant du concours de Radio-Canada de l'année dernière, là, de RCI, en tout cas de balado-diffusion, là. Oui. Y avait-tu une médaille qui venait avec ça? Un beau gros chèque. Ah, oh, quand même! Oh, quand oui. même! Elle est payée pour son humour, ça vaut la peine. C'est le fun quand ça arrive. Ouais, oui, puis t'as eu une bonne année quand même l'année passée financièrement. Oui. Oui. Radio-Canada, vous savez, hein, ça va pas bien, ils ont coupé partout. Partout. Oui. Tu sais, là, même Macadam Tribu a pris le bord, là. C'est ça, on est tombé dans avec tout à radio. Mais c'est pas parce qu'il était pas bon, Vidon Ladon, c'est des top of the top. Mais il était dans la vague de Cooper, qu'est-ce que tu veux. Ils ont gardé qui? Ils ont gardé des deux. Ben, ils ont gardé Christiane Charette qui mettait en reprise, parce qu'on rentrera pas là-dedans. Oui, oui, mais là, gars, écoute, Vidon Ladon, la question, ça trouve un nouvel. Se cherche un nouvel employeur. Mais on va écouter des sketchs. Parce au lieu de gaspiller du temps. C'est ça. Moi, je pense qu'on devrait refaire ça, frère, pour que ça dure moins longtemps. Puis, La merde, tu sais, je couperai dans les... Qu'est-ce qui est pas bon. OK. OK. On écoute la chaîne 1. Cool. Bon, maison nouvelle, là, Pierre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici votre bulletin d'information de fin de soirée. Eh bien, c'est confirmé. Nous allons tous mourir de la grippe H1N1. Oh non! Oui, oui. La grippe va tous nous tuer. Et pourtant, les gens sont toujours réticents à aller se faire vacciner parce qu'il y a une rumeur qui dit que le vaccin a pour effet secondaire de donner la gastro. Alors, on écoute cette vieille qui a été se faire vacciner. Oh, j'ai été me faire vacciner, puis depuis ce temps-là, je peux pas me moucher sans me serrer les fesses avant. Oh, mon doux Pierre. Pauvre toi. Je suis sûr que tu vas être un des premiers à tomber malade avec ton petit corps faible. Chut, ça continue à TV. Pour des raisons que l'on ignore, il semblerait que ce sont les femmes qui soient le plus à risque de contracter le virus en premier. Oh ben là, Pierre, c'est pas juste. Toi avec ton petit corps de tapette, t'es aussi grillé pour affronter la grippe que Pierre Falardeau l'était un mois avant sa mort pour courir un marathon. Puis lui, à TV, il est en train de me dire que je vais mourir en premier parce que toi, t'as un pénis, puis pas moi. Ça se passera pas de même! Où est-ce que tu t'en vas, Daniel? Moi, va me chercher un pénis. Un quoi? Un pénis, Pierre, t'as bien compris. Va me le faire greffer pour pas venir à la grippe. Hein? Où c'est qu'on a ça? Dans le congélateur. J'en ai caché un dans la boîte à popsicle. Dans la boîte à popsicle? Mais j'aurais pu le manger sans m'en rendre compte, Daniel! Mais non, Pierre, tu t'en serais rendu compte. C'est le pénis à Marc-André Grondin. Quoi? Mais oui, Pierre, c'est à Marc-André Grondin. Sors, gars, ça! Il s'en faut fun, hein, il s'en faut fun, parce qu'il a joué dans Crazy, Marc-André Grondin, puis dans Crazy, il jouait un gay. Fait que, hein, c'est pas une preuve que ce pénis-là a déjà joué dans Crazy? Torieux, Pierre, il s'en faut fun! Oui, oh, Daniel, il est bien gros. Il me semble que j'imagine pas le corps de Marc-André fité avec cette grandeur. Coudon, Pierre, t'as-tu besoin de le sentir une deuxième fois? Non, c'est correct! Hey! Daniel, il y a quelqu'un dans la chambre en haut. Je t'ai pas dit, Pierre, mais Marc-André Grondin, il est tombé en bicycle devant chez nous. Je l'ai enfermé dans la chambre du haut, puis j'ai tranché à bisounes. Daniel, t'aurais pas dû aller voir le film 51-50 rue des Ormes. Ça te donne des mauvaises idées. Ça te tente-tu de jouer une game d'échecs, le jeune? Arrête de niaiser, Daniel. Là, tu le sais bien que ça me rend nerveux, les films de peur. Oh, attends, ils disent plus d'informations sur la grippe aux nouvelles. Apparemment que pour mieux se protéger contre la grippe, les femmes peuvent toujours envisager de se faire greffer un pénis. C'était Pascal Creton, en direct de Hochelaga, habillé avec un soude blanc et un masque. Question de faire bad-dripper les plus démunis. Qu'est-ce que je t'avais dit, Pierre? Ah ouais, dégadine, va chercher le set de couture pendant que je pars le micro-ondes, je fais chauffer la maillotte à grondin. Attends-toi, calme-toi! La grippe H1N1. T'es-tu équipé pour passer à travers le jeûne? Oh mon Dieu, Marc-André. C'était très dans l'actualité lorsque ça a été fait. C'était une commande, il fallait qu'on fasse ça très, très rapidement. On est de retour, Jam Débile, le matin de Frac. Oui, ça c'est pour 89.1, Radio Rock Drummond.com. Radio Rock Drummond. Mais là, qu'est-ce qu'on va entendre? Là, c'est genre un sketch qui aurait été refusé par Radio-Canada. Oui, on faisait l'année dernière, on faisait l'émission, dans l'émission Vous êtes ici, on faisait les si de Vous êtes ici, qui était vraiment un super beau terrain de jeu. On a pu créer plein de capsules sonores vraiment... On a lâché notre fou, c'était vraiment incroyable, une super belle expérience. Mais vous étiez beaucoup censuré par contre. On était beaucoup censuré. On était très chanceux de pouvoir faire ce qu'on faisait, mais on était beaucoup censuré. Et ça, c'est un sketch qui a été censuré, qu'on a fait une première version, qui a pas passé. On était obligé de le refaire. Et là, elle l'a pas plus fait passer. Fait que on entend la deuxième version, ouais. Mais qui a été flushée. Qui a pas passé non plus, c'est ça. Donc, elle était difficile, la petite madame. Elle était très difficile. Moi, j'aimerais ça réentendre une petite imitation de la madame en question. S'il te plaît, un petit bout. Ben là, c'est parce que je peux pas là, vraiment faire ça. Là. D'un coup, quand que je me reconnaîtrais. Moi, je trouve ça très drôle. Mais je suis à trouver ça drôle parce que vous ne la connaissez pas, la madame en question. Non, mais ils vont la voir à la TV bientôt, laissez-moi vous dire. C'est quoi qu'on parle? Le sexe. Les gens l'aimaient pas. Si le sexe apportait plus de plaisir, on s'imagine un monde où les gens, ils ont juste vraiment pas envie de faire l'amour. S'il y avait fait soleil, si mes enfants, si on n'a pas la chance, si un jour, la sexualité n'apportait plus de plaisir. Circulez, circulez. Coudonc, qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Mais monsieur l'agent, on manifeste, là, parce que depuis que le sexe nous donne plus de plaisir à nous, le gouvernement nous harcèle avec de la pub érotique pour nous encourager à faire l'amour sous prétexte d'éviter la dénatalité. Ça n'a pas d'allure! Le ministre de la Famille dilapide l'argent des contribuables dans la pornographie! Et vous, monsieur l'agent, il vous dérange pas, les pubs érotiques? Ben, me semble que celle où ils nous disent de nous grouiller lors de nos ébats est pas pire. Non? Le gouvernement du Canada vous suggère de vous grouiller lors de vos ébats. OK, 1, 2, 3, go! Ouf, bravo, 5 secondes et c'est fini, wow! Faites-le pour votre patrie. Funk, celle-là, elle passe, là. Mais celle avec Alexandre Despatie déguisé en petit matelot sexy qui fait un plongeon dans une moule géante. Ou bien celle avec Véronique Cloutier qui se frotte sur le mât du stade olympique. Come on! Ah, moi, c'est celle avec Lise Thibault. Oh, celle avec Lise Thibault. À quoi ils ont pensé? Et puis des fois, ça passe à l'heure du souper. Et c'est à ce moment qu'une intervention divine se produisit. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Une apparition! C'est l'ange Gabriel! Oh, qui a donc ben un gros torse! Qui d'entre vous m'a appelé? C'est moi, ange Gabriel! Et que voulez-vous? Je voudrais savoir, Marie, la Sainte Vierge, à ce qui paraît, vous y avez fait un petit tour de passe-passe lors de l'Annonciation? Oui, j'ai fait descendre du ciel un rayon de lumière qui a plombé direct sur son ventre et boum! Elle est tombée enceinte. Ça vous tenterait-tu de recommencer votre truc puis de le faire avec ma femme? Ça fait 2 ans qu'on va avoir un enfant, mais ça nous a jamais tenté de faire l'amour. Je vais essayer. Ah! Chérie, ça va? Oui. Oh, mon amour, j'ai un petit peu mal au cœur. Miracle! Elle est enceinte! Hé, hey, ange Gabriel, moi aussi je vais être en cloque sans faire l'amour. Oh, un instant, là. Une à la fois, s'il vous plaît. Bon, OK. Oh! Oh! Tout le monde! Je sens déjà des contractions! tous à l'hôpital! Il fallut que le sexe n'apporta plus de plaisir pour que survienne le plus grand baby-boom que la Terre eût connu! Oh yeah, baby! Turn me on, baby! Fait que là, l'ange Gabriel est pas mal responsable de bien des affaires, le citoyen. Ben c'est ça, il a mis en scène tout le monde, là, l'ange Gabriel. Sauf les protestants. L'histoire le dit pas. OK. C'était quelques bons moments de Vidon dans la question à l'intérieur de l'émission de Ma Tante Frac, mettant en vedette Luc Archambault de Vidon dans la question dans Assemblage requis sur les ondes de C'est fou. Hein? C'est toujours vraiment compliqué. Moi, j'ai pas commencé à déchiffrer encore, alors inquiétez-vous pas. Si vous comprenez pas, moi non plus. C'est normal. Il nous reste une dernière capsule comme celle-là, compliquée à expliquer, qui va avoir lieu la semaine prochaine. Ça va être la suite de l'émission qui dépassait dans le temps du best-of de Ma Tante Frac. Dans l'émission de Ma Tante Frac, avec le gars de Vidon dans la question. C'est ça, Luc Archambault. Dans son âge requis. Ben oui, Luc Archambault qui est une demi, une moitié, un deux quarts, un 4/8 ou un 8/16 de Vidon dans la question. Si tu comptes par membre, il y a deux des quatre bras. Ouais. Et deux des quatre jambes. J'arrête ici. Voilà pour Vidon dans la question. Allez voir assemblagerequis.com pour le lien vers l'émission complète de Ma Tante Frac et de laquelle? De laquelle? Duquel? Desquels? Dans ce que c'était dedans. Hey! Les expressions aujourd'hui. Toi et moi, on était en train de se dire que ce serait dans le fun vivre dans une place où on parle anglais. Et qu'il fait chaud. Mais qu'il n'y a pas de serpent, qu'il n'y a pas d'araignée. Ben, c'est un peu ça l'affaire, parce que les affaires, les endroits où il fait chaud, il y a toutes les bébites, tu sais. Ouais. C'est un peu ça. Ou des gros serpents ou des grosses araignées. Des crocodiles. Ouais, des crocodiles, alors ça c'est correct. C'est en tant que tu t'appelles. Ben non, mais là, t'es pas proche de. C'est correct. Faut que t'évites les cours d'eau, c'est tout. Y a-tu des crocodiles à l'extérieur des cours d'eau? Autour, mais non. En tout cas, cela étant dit, on déménage à Los Angeles. Oui, et parlant de déménage, hey, que tu m'amènes donc à une place, toi, que je voulais tellement tenter. Et dont je voulais tellement parler d'ici la fin de l'émission. La semaine prochaine. Exactement, la semaine prochaine, grosse émission spéciale de déménagement. C'est notre vente fin de bail. Ici, assez fou parce qu'on arrête notre bail et on en repart un autre après, tu sais, à un moment donné. Donc, ce qu'on va avoir la semaine prochaine, ben, c'est de la pizza à vous donner. On va aussi avoir un saut en parachute. Et on va avoir plein d'autres affaires. Donc, pizza, saut en parachute, bonne musique. Entre 13h et 18h, ça se passe jeudi, le 1er juillet, ici même. Assez fou, 89 FM. Yeah! Hein? Ça finit-tu bien? C'était-tu radio, ça? C'était très, très radio. Ben, je vais le refaire parce que je voulais pas que ce soit radio. Ah, l'espoir. On va aller entendre du OK Go à la place. C'est pas très... Ben, c'est radio parce que ça va jouer à la radio, là. Mais c'est pas commercial, t'sais. C'est pas... comme ils disaient dans la chronique pour leur démo. Non. T'as-tu écouté la chronique? Non. C'est ça. Prochaine fois, tu l'écoutes. OK Go et All Is Not Lost dans Assemblage Rocky, votre émission estivale en pièces détachées parce qu'on est l'été. Hein? Puis qu'il faut se détacher des fois. Mais attachez votre ceinture dans l'auto, hein. C'était récemment, je pense, le mois de attache ta ceinture dans ton auto. C'est vrai. Alors le mois prochain, on peut ne pas l'attacher? C'est ça. Non, faites pas ça, les requins. Non, les requins, ça s'attache, c'est ce qu'on dit. Ah. C'est la fin de la deuxième heure d'Assemblage Rocky. Il y en a une troisième tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans la troisième heure? Il va y avoir les sorties d'albums. Mm-hmm. Tu vas aussi avoir une chronique CNX. Tout à fait. Et on a deux concours pour vous. On a des billets pour le Mondial des cultures à vous donner tout à l'heure. Et aussi, un ensemble de boîtes de céréales. Et ça a l'air intriguant, ça, je le sais. Des céréales qui n'aiment pas. Ça va être dans la troisième heure à Assemblage Rocky. Restez avec nous. Le temps des plaisirs est fini. Le temps des plaisirs. 489. Le meilleur bout. Ça, là, je me demande vraiment comment le gars fait pour chanter ce bout-là. Le blablabla. C'est du talent. Vraiment? Vraiment. Bon retour, c'est la troisième heure d'Assemblage Rocky. L'émission estivale en pièces détachées, elle est Stéphanie Gagné. Et il est Mathieu Plante. Et nos deux noms sonnent comme des verbes. Hein? Hein? Planter, gagner. C'est écœurant, ça. Hein? Qui avait pensé à ça? Notre ami Becherel, peut-être. Dans la troisième heure de l'émission, un paquet de choses. Chronique CNX, ça c'est une chronique geek. Il y a les sorties d'albums. Ouais. Ça s'en vient. On a plein d'autres prix à vous donner, dont un ensemble de céréales. Vous allez voir tantôt, on vous en reparlera. Mais pour l'instant, on a un autre concours. Oh, ça s'arrête plus aujourd'hui. Oui, on vous parle du Mondial des cultures à Drummondville. Mm-hmm. Ça se passe du 8 au 18 juillet. Moi, personnellement, il n'y a pas beaucoup de spectacles qui m'intéressent. Moi, je ne suis pas très, très à aller voir des gens danser et tout ça. Okay. Mais je suis déjà allée une fois et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de kiosques. Vous savez, comme au Festivois, on en a ici des petits kiosques, mais là-bas, là, c'est vraiment... Il y en a encore plus. Pour tous les goûts. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. On voit plein d'objets divers de toutes les différentes sortes de cultures. C'est vraiment écœurant. Et les feux d'artifice aussi sont vraiment, vraiment cool. Exactement. Pyrotechnie musicale. Oui. Donc, feux d'artifice sur de la musique, c'est vraiment génial. Il va y avoir plein d'activités. Le défilé international. Tour du monde. Théâtre d'objets. Spectacle d'ensemble folklorique, un paquet d'activités super intéressantes. Allez voir mondialdesculture.com pour en savoir plus sur la programmation. Ça a lieu du 8 au 18 juillet, comme tu disais, ouais. 2010. Et ce qu'on a ici, c'est en fait plein de choses. On a vraiment beaucoup de choses à vous donner. Ouais, on a des billets échangeables pour un bracelet qui donne accès au parc Woodyat. C'est là que ça va se passer à Drummondville. Donc, on a ça à vous donner. On a aussi des billets pour un événement en tant que tel, une activité qui est un spectacle avec cinq ensembles folkloriques. Ça a lieu à la 29e édition, sur invitation, avec cinq ensembles folkloriques. C'est bien, hein? Donc, c'est pour cette activité-là en particulier qu'on a des paires de billets, aussi bien que le bracelet qui donne accès au parc. Donc, appelez-nous au 819-376-5183. En fait, je recommence. Appelez-nous au 376-C'est-Fou aujourd'hui, parce que notre autre téléphone ne fonctionne pas. Donc, 819-376-C'est-Fou, et on prend le quatrième appel, et le troisième, et le deuxième, donc. Tout sauf le premier. Fait que prenez pas trop votre temps non plus. 819-376-5184. Et pour l'instant, on s'en va entendre tout de suite une pièce de Two Hours Traffic de leur album Territory. On va entendre tout de suite l'extrait Noisemaker. Et puis après ça, on entendra du MGMT. Hein? Est-ce que tu voulais faire jouer du Madame Moustache aussi? Oui, hey, c'est vrai. Hein? On ferait jouer. Ouais, ben, tu sais. Hey, est-ce qu'on fait jouer Madame Moustache tout de suite? Ben oui, ben, en plus, une pièce qui est très populaire ici, assez fou, moi je l'entends. Fréquemment, et je l'aime toujours à chaque fois qu'elle joue. Voici Madame Moustache qui va être au Festival du Mondial des cultures. De Trois-Rivières, tu disais qu'il y a un accent. C'est la grippe qui change tout. Néo-Brunswick. Ouais. Johnny Baguette de Madame Moustache, tout de suite. 819-376-5184, et c'est maintenant que vous devez appeler. C'est vous écouteurs direct le jeudi. Là, là. Johnny Baguette, c'est pas une tapette, c'est un boulanger. Johnny Baguette, chaque matin guette son pain levé. Fait des croissants et des pains express pour tout le village. Pendant la messe, ce sont ses hosties qu'on se partage. Johnny Baguette, s'achète une chaloupe. Sérieusement, j'adore Ma la moustache. Je trouve ça, cette pièce-là, je l'adore depuis toujours, pour vrai. Je vous rappelle pourquoi on a fait jouer ça, Ma la moustache. On devrait faire jouer plus souvent, mais bon. C'est parce qu'ils vont être en spectacle au Mondial des cultures de Drummondville qui a lieu entre le 8 et le 18 juillet. Ce spectacle-là, en particulier, c'est vendredi le 16 juillet à 17h à la Folle Côté avec l'Auto-Québec. C'est dans le cadre des 5 à 7 Waste Management. Donc, Ma la moustache, allez voir leur MySpace au myspace.com/Ma la moustache band. Ma la moustache band. Génial, j'adore ça. Et c'est Geneviève Néron, qui est dans le groupe, celle qui était dans Réal TV, Réalité avec TV. Elle chante tellement bien, je trouve. Elle a une belle voix. Wow. Moi, je suis pas ça. Très country. Non, mais ouais, justement, mais c'est ça qui fait que j'aime bien ça, parce que c'est du country, mais pas dans le même genre que le country d'habitude. Genre. On vous rappelle le concours qu'il y a eu en ce moment ici, assez fou, c'est des billets. Pour plein d'affaires qui se passent au Mondial des cultures de Drummondville. Donc, appelez-nous pendant la pièce musicale au 819-376-C'est-Fou. Et ça, 819-376-C'est-Fou, c'est par le fait même 819-376-2368. 376-2368, on va prendre vos appels pendant la prochaine pièce qui suit. Voici Two Hours Traffic et Noisemaker. Assemblage requis avec Mathieu et Stéphanie dans votre lit. Ou vos oreilles. Ça rime pas. Maybe I should explain why I'm building a cage, the one I wanna contain is acting half. Traffic avec Noisemaker, tu connaissais pas ça, hein? Non, mais c'est très bon. Mais zinc, c'est bon! Leur album s'appelle Territory, et d'ailleurs, il y a une pièce sur l'album qui s'appelle Territory, qui était aussi dans le palmarès, un peu comme Noisemaker. Hein? Ça donne drôle, hein? Vous êtes Assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées, c'est l'émission où on ramasse plusieurs morceaux qui, cet été, sont toi et moi. Ouais. Et puis, on les assemble. C'est un peu facile quand il y a juste deux morceaux. Hein? C'est ceux qui ont des petits pinouches, c'est comme pour les casse-têtes pour enfants. C'est un peu ça, c'est ça. Ouais, mais chaque morceau, moi et toi, on a beaucoup de morceaux. Ah, wow! Tu sais, il y a le plat favori, il y a les spectacles, c'est toi, il y a CNX. Mm-hmm. C'est juste tout le temps la même voix, c'est tout. C'est ça. Tout. C'est juste qu'on représente plusieurs morceaux. C'est ça. On change notre voix et on se met une moustache à chaque différente chronique. Non, mais ça me fait penser à, tu sais, les grands, grands casse-têtes, mais qui ont comme 15 millions de morceaux verts, tu sais, genre. Ouais. C'est un peu ça. Genre un paysage fleuri. Je déteste ça. Ça, je suis vraiment pas capable de faire ça. Pantoute. J'admire les gens qui font ça, qui ont la patience. Moi aussi. J'admire ceux qui prennent un carton et collent leur casse-tête et l'encadrent après. Ouais. Mais je vous juge pas. Non, faut pas. Je peux vraiment pas juger les gens parce que j'ai des passe-temps encore plus freak que ça. Hein? Donc! Un des morceaux, oui. C'est les albums de la semaine. Qui lui-même est composé de plusieurs morceaux. Ouais. De musique. Trois albums, mais deux chansons. Alors, le premier album, c'est Saya avec We Are Born. Saya, c'est une artiste de l'Australie qui faisait habituellement du R&B et du soul. Et là, elle a vraiment donné le tout pour le tout pour être commerciale. Elle a travaillé avec Greg Kurstin qui a produit l'album et qui a déjà travaillé avec Lily Allen, Natasha Bedingfield plutôt et Kesha. Oh, Kesha, hein? Ouais. Hey, talent ici. Alors, l'album s'avère être beaucoup plus pop et beaucoup plus upbeat. C'est vraiment très, très, très fille. Moi, je dirais que ça ressemble à du Mika féminin. OK. Tu sais, comme l'album de Mika, son premier album, quand il est sorti, là, c'était comme un magasin de bonbons. Là. Mais c'est super bon, je trouve, par exemple. Faut pas dire trop fort, c'est fou, mais j'aime ça. Ah, j'aime tellement ça. Non. Mon ancien coloc m'avait fait écouter ça pendant un été de temps. J'étais plus capable. OK, bon. C'est vraiment trop bonbon pour c'est moi. Sucré, c'est ça. C'est comme très... une slush. Ouais, mais maintenant, ça te gèle le cerveau. Oh ouais, quelle belle image. Hein? Alors, on n'a pas pu scripter ça. Hein? C'est ça que ça a fait pour Sia. On n'a pas les moyens. Oui, c'est Sia. Vraiment trop, trop, trop pop. C'est comme une... Tu sais, dans les Simpsons, quand ils prennent la slush, comme, tu sais, ça fait comme... la face qu'ils font, t'es carré. Ouais. Alors, j'en ferai pas jouer. Non. C'est trop gaga. Merci. Lady Gaga. Ça ressemble à ça aussi. OK, ouais. Ensuite, il y a Wolf Parade qui ont sorti Expo 86. C'est l'album de la semaine sur Exclaim.ca. C'est un groupe indie rock de Montréal. J'ai pas écouté l'album, mais vous pouvez aller l'écouter sur Exclaim.ca au complet, pas seulement des extraits. C'est bien ça. Et ils vont aussi être au National du 8 au 9 juillet. Ensuite, il y a Stars avec Five Ghosts. C'est un groupe qui a été formé à Toronto, mais qui travaille principalement à Montréal présentement. Le groupe se concentre sur plusieurs projets. La chanteuse Amy Milan a deux albums solo à son actif. Et il y a le chanteur Torquil Campbell qui est acteur. Et tous les membres du groupe travaillent aussi dans le groupe Broken Social Scene. Oh. J'ai de la misère avec la grippe, hein? Là, faut que je prenne mon souffle. Ça va, c'est pas mal à jupe, là. Ça fait du bien. Alors, c'est leur cinquième album complet. Ils ont, le nouveau matériel est quand même bon. Je veux pas que vous pensiez que je n'ai pas aimé le CD. C'est bon, mais c'est tout. C'est bon. C'est bon, mais tu t'écoutes pas ça, là. C'est pas ton album de l'année, là. C'est vraiment pas l'album de l'année, mais c'est bon, c'est super constant, mais un peu trop constant à mon goût. Il y a aucune chanson qui se démarque vraiment. On peut pas vraiment différencier une chanson à l'autre. Les chansons se ressemblent pas mal, mais c'est bon. C'est dommage parce que je l'attendais, tu sais, il y a toujours une pièce. Il arrêtait pas de partager des pièces en MP3 pendant toute l'année, tu sais. Mais c'est bon, c'est juste que ça sera pas pour moi mon album de l'année, là. Bon. J'ai mieux aimé, mettons, Hot Hot Heat de la deux semaines. Ça, c'était écœurant. Ouais. Hein? Ouais. Hein? Alors, c'est ça. Et eux aussi vont être de passage à Montréal, mais dans le cadre du festival Oceaga le 31 juillet prochain. Alors, si vous cherchez un album indie pop dansant avec de voix très douces et calmes, achetez Stars. Et tu nous fais écouter un extrait pour nous suggérer un petit peu? Oui, je vais vous faire écouter une pièce de Wolf Parade et une pièce de Stars. On va commencer avec la pièce de Stars. C'est la pièce We Don't Want Your Body. Assemblage requis! C'est fou, 89 ans. We'll be right back. actually be anyone? Vous êtes toujours sur les ondes de C'est fou 89.1, l'émission Assemblage requis avec Stéphanie et Mathieu. On vient d'entendre Wolf Parade. Faut que je prenne mon souffle. C'est le rub. C'est le rub. Ou le Pierre Brubeau. Avec Ghost Pressure. Yeah! Et cette semaine, MGMT a sorti un nouveau vidéoclip sur la chanson It's Working. Vous pouvez le retrouver sur somekindofawesome.com ou je suppose que c'est déjà rendu sur YouTube, probablement. Alors, on va aller écouter la pièce It's Working de MGMT. Et restez là, parce qu'après la pause, il va y avoir une chronique CNX. Oh, geeky! Yeah. écoutez Assemblage requis. C'était moi les derniers Yaza. C'était pas dans. C'était moi. J'enlève tellement en plus avec Radio Radio. Tu veux qu'on le refasse? Tu veux qu'on le refasse live? Non, ok. T'es plate. Vous écoutez Radio Radio. C'est tellement pas ça l'accent. Ah, on est poche, hein, pour faire des accents. Vraiment. Et quand même. On va aller entendre une pièce de Vanessa Parietta. Voici Le Reflet. C'est sur leur nouveau maxi. Tellement incroyablement bon. Canicule et ours polaire. Allez voir à vanessaparietta.com pour le télécharger gratuitement. Et même chose pour leur album complet, La Marée était vide. Mm-hmm. Ah ouais! Proche d'Eric Queen, hein? T'aimes-tu? Proche d'Eric Queen. On vient d'entendre Vanessa Parietta avec la pièce Le Reflet. Excellente pièce d'un excellent maxi qui s'appelle Caniculeux et Ours Polaire. Allez voir vanessaparietta.com pour le télécharger au complet. Comme je vous disais, ça vaut la peine vraiment. Toutes les pièces de Vanessa Parietta sont écœurement bonnes. Et je les vante là, fièrement. C'était cœur. Tout à fait d'accord. Pas de sens. Bref, vous êtes à l'Assemblage requis. C'est l'émission estivale en pièces détachées, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai. On s'entend là-dessus. Ça paraît pas que c'est l'été, là, mais ça l'est. Ouais, c'est ça. Dépendant, là. Il y en a que c'est peut-être l'été, là, t'sais. Est-ce que j'inclus trop les gens de la rediffusion du samedi, tu trouves? Tu trouves, hein? Peut-être. Ouais. Tu trouves que j'ai inclus trop les gens qui écoutent la balado-diffusion aussi, hein? Bon, c'est correct. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Il fait peut-être beau samedi, tu sais. Oh, peut-être. Je sais pas. Ou pas. Ou pas. Comme aujourd'hui. Ouais. J'ai envie de parler de quelque chose de plus intéressant que la météo, moi, honnêtement, là. Allons-y. Avec des affaires geeks dans la chronique technologique. C'est Linux. C'est Linux, la chronique de la vie geek. attention, qu'est-ce qu'on va pogner? Attends, oh! Le POW! Les connais-tu, les deux frères, les deux frères plombiers? Héros, pas zéro dans les jeux vidéo! Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les flics, ils partent dans les tuyaux! Ah, j'aime donc ça pouvoir la remettre, cette intro-là. Ça faisait longtemps. C'est très longtemps. C'est l'intro du dessin animé de Mario Bros des années. C'est sur DVD en même temps, hein, si tu veux te procurer et écouter les dessins animés de Mario. Ça va aller. Ça va aller. Donc, aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, la chronique geek, on n'a pas vraiment de sujet en particulier, je dirais. C'est pas mal un ramassis, un pop-ray. Un pow. Un pow, ben d'où le nom. Pow, tu sais jamais que qui va sortir de là, que j'ai qui va se passer avec ça, tu sais, hein. Mais c'est ça, c'est un peu pourri. Donc, commençons avec, en fait, première chose à regarder sur l'écran de votre radio. C'est un merveilleux vidéo. Et là, ça donne absolument rien de vous le faire jouer parce que ça dit rien dedans. Je trouve que la musique est bonne pareil, puis je vais vous l'expliquer un petit peu. La musique est vraiment écœurante, je trouve. C'est une comparaison de la grosseur des objets qui flottent dans notre univers. Comment ils peuvent être gros. Donc, c'est une comparaison qui commence avec un très, très gros objet, notre lune, la lune de la Terre. Hein? Donc, on vous la montre. Et là, c'est en 3D. C'est super bien fait. La musique est super le fun aussi. Tout est parfait. Donc, ça vous montre la lune. Ensuite, Mercure qui est plus gros. Mars qui est plus gros encore. Vénus qui, là, est vraiment beaucoup plus gros. La Terre, après ça. Puis là, ça avance pendant genre 2 minutes et demie. Ça avance de plus en plus. Ça passe le Soleil, Sirius A, la Red Hypergiant, qui est la plus grosse étoile connue. Et là, après ça, on te montre, après cette plus grosse étoile connue-là, qui est vraiment gigantesque par rapport à la Terre. Donc, on voyage en 3D. Avec, on te montre la grosseur de la Terre à la fin, qui est genre un grain de sable. C'est écœurant. C'est génial. Où est-ce qu'on peut aller voir ça? Sur assemblagerequis.com, en cliquant dans les liens de la chronique CNX. C'est le premier sur le bord, oui. Ça s'appelle Star Size Comparison. Et il y a même un beau petit texte là, qui défile, qui vous explique telle affaire en anglais. Mais je vous dirai pas tout ça. Je vous laisse aller voir. Un des faits, ça prendra environ 1100 ans pour faire le tour de cette grande étoile-là, la plus grande étoile connue. C'est malade! Donc allez voir ça, assemblagerequis.com pour le lien de ça et de toutes les autres affaires que je vais vous dire dans la chronique d'aujourd'hui. Ensuite, prochain lien à vous conseiller, c'est une autre vidéo, c'est Making Faces avec Dominic Schillingford. Donc si vous êtes déjà fait dire « Hey, fais pas cette face-là avec tes... T'sais, fais pas ces yeux-là, parce que ça va coller, t'sais, tu vas commencer à loucher. » Tu t'es sûrement déjà fait dire ça, mais... Donc, ce gars-là a pris, je sais pas, le logiciel ou peu importe, et en plus, son propre talent pour faire une vidéo où les parties, en fait, ses yeux, bougent dans de drôles de angles. Donc, Dominic Schillingford, c'est super le fun, super drôle, super beau. Il tasse sa face, en tout cas, plein d'affaires qu'il fait avec sa face, avec sa bouche, son nez, plein de choses. Voilà, c'est Making Faces. Ensuite, pour les gens qui ont très peu d'amis sur Facebook, combien t'as d'amis sur Facebook, tu dirais, Sérieux? Je te dirais que à ta minute, je vais le savoir dans deux secondes. Et sur Facebook pendant l'émission, ça va qu'elle trouve ça bien important. 244. Pas si pire. Ben, mon but, c'est pas d'en avoir le plus possible. Parce que dans ce temps-là, ça veut dire que ton mur va être rempli de stock que tu t'en fous. Ouais. Très bon point. Très, très bon point. Bref, pour ceux qui ont très peu d'amis, donc là, toi, tu comptes pas là-dedans, mais on parle de gens qui ont peut-être, je sais pas, quelques dizaines d'amis, je sais pas jusqu'à quelle limite ça va. Mais bref, une personne qui est sur Facebook et qui a pas beaucoup d'amis, Hot Lou, a été choisie pour tester, on dirait, un nouveau feature, une nouvelle façon de montrer le stream de nouvelles sur Facebook, le feed. Elle et plusieurs autres personnes. Et ça vous montre à la place du stream, soit les tu sais, toi pour moi, qu'est-ce qu'on a, c'est genre Recent News, puis Best Of, genre Most Talked About, ou je sais-tu, le plus de commentaires, ou tout ça. C'est comme deux façons de voir. Les personnes qui ont très peu d'amis ont toute nouvelle interface qui montre les photos les plus récentes qui ont rapport avec des affaires qui pourraient t'intéresser. Donc, c'est comme une façon d'intégrer ces gens-là dans Facebook. Je trouve ça cool, je sais pas. Je sais qu'à 150 amis, ça montre le feed normal, donc je sais pas jusqu'à quelle limite ça va. Mais essayez-le, puis peut-être que vous allez découvrir des choses sur votre Facebook. Les petits nouveaux, les gens qui ont pas beaucoup d'affaires, qui ont même pas de photos. Si tu plates le monde qui a pas de photos sur Facebook, franchement, t'y trouves pas, tu sais pas c'est qui, là. Seulement, c'est toute la personne qui a ça. Mon père, y a pas de photos. Ben, okay. Ça pourrait être n'importe qui, tu sais. Ça pourrait. À moins qu'il y ait un nom bien original. Non, vraiment pas. Ah, c'est ça. Contrôlez un homme sur Twitter et faites-en votre esclave à distance. Si j'ai toujours rêvé de ça. David Perez, un publicitaire américain qui est à l'aube de sa trentaine, a soumis une proposition des plus audacieuses aux internautes. Il dit « Je suis votre esclave, je ferai ce que vous souhaitez que je fasse, s'il vous plaît, soyez aimable. » Donc, la démarche de M. Perez s'insère dans un contexte bien précis, nous dit l'article de branchez-vous.com. Son employeur, qui est l'agence de pub Leo Burnett, lui a fixé des conditions pour assister au festival publicitaire international Cannes-Lyon. Il est obligé de porter une caméra miniature, une caméra web, une webcam, sur ses lunettes toute la semaine des festivités. Festivités qui avaient lieu la semaine passée. L'intérêt de ce projet-là était le suivi de ses déplacements en temps réel, mais aussi de permettre aux internautes de lui dicter ses moindres gestes. Par exemple, les internautes pouvaient lui choisir les activités par intermédiaire de Twitter, par le biais de courts messages. Seule condition imposée, c'est de rester dans les limites de la légalité et la décence et patienter durant ses 3 heures de pause quotidienne. Les intéressés peuvent suivre encore ses aventures à David Perez sur son site web qui est davidondemand.com ou encore sur Twitter qui est twitter.com/davidondemand. Et là, je suis sur son site web en ce moment. Est-ce que je le suis ou est-ce que je vais l'être éventuellement? Hein, on va bien voir. Ou encore pas du tout. En tout cas. Non. Oh, ah, ben tiens, là. Ah, il demande encore des petites questions. Il demande vraiment encore en ce moment. Il y a 13 minutes. Il a posté un message. Il y a 13 minutes. Fait qu'allez voir ça. davidondemand.com ou twitter.com/davidondemand. Est-ce que tu as vu la vidéo du petit chat et d'un autre petit chat et le petit chat 1? Mort. Tape le chapeau. Il y a un chapeau melon? Non. Pas vu celui-là? Non. T'as cherché d'autres vidéos de petit chat, là, mais t'as pas vu celui-là? Non. Un vidéo de petit chat par jour, c'est la dose recommandée. Kitten wearing a tiny hat, c'était la vidéo du petit chat avec un petit chapeau qui se fait frapper dans son chapeau par l'autre petit chat. Bref, ça c'est arrivé, mais le suivi de ça, c'est qu'il y en a deux nouveaux petites vidéos. Les deux chats qui jouent ensemble avec le même chapeau, mais là, qu'il y a 100% moins de violence. C'est dans le titre du vidéo, 100% moins de violence. Parce que dans l'autre, il était vraiment, il frappait le chapeau, là, pas mal intensément. Et puis, il y a une troisième vidéo, c'est Kitten wearing a tiny hat eats a tiny ice cream cone. Donc, un petit chat qui porte un petit chapeau et qui mange un petit cornet de crème glacée. Donc, il est comme devenu porte-parole pour une, je sais pas, c'est un restaurant de... On voit le logo à la fin, à un moment donné, Lake Street Creamery. À Los Angeles, en Californie. Donc, le petit chat qui mange le petit cornet. Je pense que c'est pas mal une pub pour Lake Street Creamery. Voilà. Le lien est sur assemblagerequis.com, comme toujours. La semaine passée, c'était le 3. En fait, récemment, si on veut. C'était le 3 à la foire de jeux vidéo où on montrait tous les nouveaux jeux vidéo. Et une chose en particulier qui a bien intrigué bien des gens sur Internet, c'est le produit Microsoft Kinect qui est... le truc avec une caméra qui peut te voir et que tu... C'est un peu comme la 800 manette, si on veut. Tu sais que tu peux bouger puis ça va voir tes mouvements, tu peux faire de l'exercice. Ouais. Bon. Bref, il y avait un gars qui faisait le démo de ça et puis c'est devenu viral. Donc, ça a commencé à être populaire et il y a eu des remixes de ça, de ce gars-là en train de faire la démo de Kinect de Microsoft. Le gars, je sais pas pourquoi ils l'ont choisi. Sûrement qu'ils l'ont choisi parce qu'il est pas très très bon en danse et pour le montrer comme étant genre une personne normale comme vous et moi. C'est pas tout le monde qui est un expert en danse, tu sais. Ben facile de faire un démo avec une vedette là, tu sais, genre de danse, de Dancing with the you know, think you can stars. Dance stars, c'est ça. Hein? Bref, le gars danse mal. On dit que c'est Kason Crocker. Donc, allez voir les remixes. Je vous ferai pas écouter ça parce qu'encore, c'est un gars qui danse. Fait que c'est pas très intéressant à la radio. Par contre, quelque chose qui est intéressant à la radio, oh que oui, et oh que c'est donc le fun et que oh que donc j'ai donc envie de l'écouter au complet, mais on le fera pas parce que c'est un peu long. C'est un gars qui fait du beatboxing sur la musique de Mario. C'est un beatboxer japonais, Ikakin, qui a sorti une vidéo récemment qui est un medley de pièces de Super Mario Bros. Absolument incroyable. Ça dit que ça a eu au-dessus de 650 000 views depuis une semaine. Je ne sais pas de quelle date que ça date, cet article-là, et on s'en fout. Mais c'est son premier gros succès viral. Et c'est pas son premier vidéo. Il y a eu aussi Tetris Theme Beatbox sur YouTube et Daft Punk Beatbox qui ont des vues dans les 6 chiffres. Donc ça fait de lui quand même une vedette montante. Dans cette vidéo-là, plusieurs pièces de Super Mario Bros. Et de Super Mario World avec seulement sa voix. Et non seulement ce qui fait la musique, mais en plus... Il fait des effets sonores. C'est incroyable. On écoute une partie, au moins. Rrr, rrr, rrr. juste une petite note ici. Là. Quand il a attrapé des scènes, là, il bouche son nez. Il fait des ping ping. Je sais pas comment il fait avec son nez, mais en tout cas, c'est assez incroyable. Puis ça, c'est tout one take. Là. C'est pas plusieurs fois qu'il s'est réenregistré. Il a enregistré le fond, puis il l'a refait, là, il a réenregistré l'autre partie. Non, c'est tout lui là, devant son micro. Là, là, là. C'est cœur. Ça pas de sens. Ça continue pour une bonne minute encore. Donc, on va continuer avec la chronique Le Power dans CNX pendant qu'on a encore un petit peu de temps. Hein? Le blog, un de mes blogs préférés, c'est Cannot See. En ce moment, c'est Cannot Unsee, pardon. De l'expression communément utilisée en anglais, Cannot Unsee. Donc, tu peux pas dévoir ça. C'est quand tu vois quelque chose de soit dégueulasse ou encore tellement incroyable que tu dis, waouh, mais je pourrais pas enlever cette image-là de ma tête maintenant, tu sais. Bref, c'est un nouveau blog, Cannot Unsee, au cannotunsee.tumblr.com, T-U-M-B-L-R.com. Ça attire votre attention à des éléments cachés dans des images. C'est comme des messages, tu sais, que les gens ont vus, mais c'est pas nécessairement voulu de la part de l'artiste ou dans, en tout cas de où que ça vient. Donc, la connexion est quelque chose que tu te dis, waouh, mais finalement, je l'avais jamais vu, mais là, tu le vois, puis là, tu pourras plus ne pas le voir. C'est-tu clair ou c'est pas. C'est juste moi qui trouve que c'est pas clair ici? Hein? Moi, je regarde ton truc d'étoile, puis je suis fascinée. Je suis la chronique, Stéphanie. Comment? Mais celle-là était gigantesque. Mais t'as tantôt toute la journée pour l'écouter après l'émission. My God. Ça, j'avoue que c'est impressionnant, par exemple. T'as genre de voir la Terre, là. Ok, est-ce que tu veux écouter le reste de la chronique? Ok, donc, Kenneth Hansi, par exemple, on nous montre, tu sais, Jacob dans la série de films Toilette, là. Ouais. C'est ça. On le compare à un animal avec le nez plat. Quand tu vois la photo, tu te dis, waouh, c'est ben trop vrai. Il y a aussi Karate Kid avec Jackie Chan et le fils de Will Smith qui ressemblent étrangement à des personnages de dessin animé à Télétoon. Down Sea Southern Teeners, mais j'en suis pas, peu importe. Emma Watson de Harry Potter qui ressemble au docteur Richard Dawkins, le célèbre docteur athée. Bon. 3.14, le signe pour pi qui, si tu vire à l'envers, ça fait pi. Comme dans une tarte, mais PIE. Ouais. Ça, je l'avais déjà vu, par exemple. ESPN, ça, j'ai vu sur Facebook, qui ressemble au cache de Boba Fett dans Star Wars? Je pense que c'est Wars. Bref, il y en a plein d'autres. Sur kenatunsee.tumblr.com, on compare aussi le logo de Pepsi à un gars qui se penche puis qui a une craque de fesses. Hein. C'est écœurant, puis c'est vraiment exactement vrai. Là, ça a l'air vraiment de ça. Il y en a plusieurs que vous aviez sûrement déjà vu. Celui-là, je me rappelle de l'avoir vu il y a tellement de longtemps de ça. Mais bref, il nous en repasse une fois par quelques jours et à un moment donné, tu tombes sur quelques-uns que tu n'as pas vu. C'est vraiment un des blogs les plus cools que je trouve en ce moment. canotancy.tumblr.com. Je vais vous laisser quelques liens sur le site internet assemblagerequis.com, dont des personnages de Star Wars recréés avec du vieux métal, des vieilles poubelles, des vieux trucs. Là. Il y a un R2-D2, un C3PO, un paquet d'affaires comme ça. Le poster pour le film The Social Network, qui va sortir au mois d'octobre. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, c'est celui qu'on appelait The Facebook Movie, le film qui raconte l'histoire de comment Facebook a commencé. Tu sais, quand j'ai entendu parler de cette nouvelle-là, il y a des mois, je m'étais dit, je sais pas sûr que ça va être bien intéressant, ce petit sujet-là. Mais quand t'en apprends plus sur le film, tu penses que t'as vraiment envie de le voir. Surtout que c'est écrit par Aaron Sorkin, qui a fait à la Maison-Blanche, The West Wing. Et puis que le gars qui va jouer dedans, c'est Jesse Eisenberg, de Zombieland. Oh! Oh, I know, j'ai vraiment hâte. C'est Columbia Pictures qui va sortir ce film-là. Mais ils ont sorti le poster, l'affiche. Très très joli, ça dit, en fait c'est la face de Jesse Eisenberg en super gros, qui a l'air comme surpris. Ça dit, you don't get to 500 million friends without making a few enemies. Tu te rends pas jusqu'à 500 millions d'amis sans te faire quelques ennemis en cours de route. C'est super beau. Bref, allez voir ça et puis attendez le film avec impatience comme moi. Il y a un journaliste, Richard Waters, qui était au quartier général de Google à Mountain View récemment et qui a pris des photos de leur endroit où ils font des siestes. Donc, quand Richard est passé devant une espèce de bulle avec des jambes qui en sortaient, il se demandait c'était quoi. Il a pris plein d'autres photos. Et là, on voit ces photos-là sur l'article de Gizmodo.com. C'est comme un genre de gros pod qui te met dans la position optimale pour faire une sieste. Non, mais chez Google, ils sont très, très fancy. Là. Ils ont des moyens. Assez, ouais. Donc, tu te couches, t'es vraiment sur le dos. Ça prend soin de ton bas de dos. C'est comme une combinaison de la technologie de la NASA et de la science. C'est fait par MetroNap Energy Pod. En fait, c'est le nom de l'appareil. Donc, allez voir les photos. Vraiment intéressant. Qu'est-ce que je pourrais bien sauter, finalement? Il y a des photos de la Nintendo 3DS qui ont été postées. Des photos de très, très près pour voir de quoi ça a l'air. Malheureusement, ils ne peuvent pas vous montrer le 3D parce que Nintendo insiste à ce que les journalistes ne prennent pas de photos lorsque le 3D est allumé. Parce que le 3D ne peut pas se faire prendre en photo. Donc, ça donnerait comme une mauvaise impression aux gens. Donc, ils disent de tout le temps l'éteindre pour prendre des photos. Mais allez voir ça, c'est vraiment génial. Likeworthy.com qui vous montre des phrases en anglais qui vaudraient la peine d'être aimées sur Facebook. Donc, par exemple, rester debout jusqu'à 1h ou 2 du matin et dormir après ça jusqu'à 1h ou 2 de l'après-midi. Il te poste juste la phrase, la personne qui l'a posté, sa petite photo. Puis, il y a un bouton j'aime. Donc, tu peux faire j'aime sur plein d'affaires sur ton propre Facebook. Il faut que tu sois connecté. C'est le fun. Sinon, le service de Google qui s'appelle... ça s'appelle comment? Roulette quelque chose. Wonder Wheel. Voilà, c'est une nouvelle fonction de Google. Donc, si vous tapez, par exemple, Fête des Pères, c'était l'exemple sur l'article, Father's Day, ça vous donne une petite roulette et autour, il y a des mots-clés en rapport avec ça. Par exemple, le coloriage de la Fête des Pères, recette de la Fête des Pères, Fête des Pères 2010, célébration de la Fête des Pères. Donc, ça s'appelle la Wonder Wheel. C'est super cool. Et... dernière affaire, vraiment, on termine là-dessus. Je vais te demander une question. Est-ce que ton mot de passe est sécure, tu crois, toi? Ton mot de passe sur différents sites. Oui. Est-ce que tu aurais envie de me donner une variation? Donne-moi pas, évidemment, ton mot de passe à la radio, là, mais trouve un équivalent. Par exemple, mettons, si ton mot de passe, c'est un mot, choisis un autre mot, puis c'est des chiffres, choisis d'autres chiffres, quelque chose du genre. Oh, c'est un mélange, c'est chiffres. Chiffres-lettres. Chiffres-lettres, OK. Donc, mettons, vraiment, littéralement, c'est pas un mot. Donc, mettons, G, 4, Y, 7, U, I, 8, attends, 9. Il dure genre 20... OK, je continue. Jusqu'à peu ouais, près il est 20. Très long. OK, à peu près avec 20 caractères, ça prendra environ 42 quadrillions d'années pour un hacker avec un ordinateur de bureau, un PC fort pour craquer ton mot de passe. Ça prend 42 quadrillions d'années. Donc, t'es parfaite, t'es sécure. Tant mieux. T'es sécure. Moi, mettons que je prends un mot, ben moi, c'est un mot un petit peu compliqué. Mettons, bon, avec 2-4 chiffres, ça prendrait 117 jours. Beaucoup moins sécuritaire. Fait que bravo, tu gagnes là-dessus. Mais c'est parce que je me suis déjà fait hacker mon MSN une fois. Ça arrive juste une fois dans la vie, ça. Puis après ça, tu t'occupes pour pas. Tu t'arranges, là, ça. J'ai tellement eu peur, le hacker me parlait, là. C'était vraiment bizarre. Il disait quoi? Il disait, paye-moi, puis je vais pouvoir t'en sortir. Non, mais c'est parce que je parlais avec quelqu'un sur MSN. OK. Et il écrivait comme si c'était moi qui écrivais. Non. Mais il me répondait, fait comme si je me parlais à moi-même, mais c'était lui qui écrivait. Ben, voyons donc. Ouais, puis il était capable de lire toutes mes conversations avant que moi-même je les ouvre. Aïe. C'était vraiment spécial. Ben, Colin, on en vit-tu des affaires, hein? Hein? Bref, la raison que je vous en parle, c'est le site howsecureismypassword.net. Donc, allez voir howsecureismypassword.net. Tapez votre mot de passe et dedans, dans le truc, ça va vous dire combien d'années ou de temps ou de mois ou de jours. Si vous avez juste un nom comme genre livre, si j'écris, mettons, livre, ça prend une seconde. Une seconde. J'écris en anglais book, ça prend 0,04 secondes. Donc, choisissez pas un mot qu'on trouve en anglais ou en français dans un dictionnaire parce que c'est beaucoup, beaucoup trop facile pour tout le monde. Voilà pour la collection CNX. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Allez-y, assemblagerequis.com. Tout est là pour vous. Tiens, bon. Nous, ben, ça va être pas mal la fin d'Assemblage Requis, vite comme ça. Comme toujours, je dirais, parce que c'est vraiment comme mal. Ça. On s'arrange toujours pour être le plus serré possible là-dedans. T'sais. Le pire, c'est qu'à chaque semaine, on essaye d'être lousse, puis on essaye de mettre tout bien, bien serré au début de l'émission. Finalement, on arrive toujours serré à la fin, pareil. C'est toujours un échec total. Total. Bon. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h pour une autre édition d'Assemblage Requis. Si tu en rappelles, les samedis, entre 16h et 19h, comme toujours. Je vous conseille de rester à l'écoute pour La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle à 18h le jeudi. Sinon, le samedi, à 21h, il y a Vestibule avec Jean-François Fecteau et son palmarès de musique électronique. Toujours excellent. Écoutez aussi Simon Fédibé qui anime On s'appelle une fois semaine, les mercredis à 15h. Passez une excellente fin de semaine. Stéphanie, merci d'avoir été là et bonne fin de semaine toi aussi. Bonne semaine. Bonne semaine prochaine. Oui, dépendant de quand vous écoutez. Ouais. À la semaine. Comment? C'est les guillemets? À la semaine prochaine. OK, hein. C'est comme une citation de. Ouais. Guillemets sur la semaine prochaine. Je vais changer de lunettes, moi. Juste pour ça, je vais m'acheter des grosses lunettes. Non? Bye bye. On se quitte avec Flight of the Conchords et la pièce Inner City Pressure. Bye bye. City life, inner city pressure, the concrete world is starting to get you. The city is alive, the city is expanding, living in the city can be demanding. You've pawned everything, everything you own.